En Corée, le camarade Kim Jong-un a fait fêter les 80 ans des chercheurs de l'université Kim Il-sung. Ce sont le scientifique du peuple, académicien par correspondance, professeur et docteur Choi Dong-yun, et le scientifique émérite, académicien par correspondance, professeur et docteur Fang Xin-yul.